Ces paroles je les lirai à mon futur fils. Fais attention, la vie est pleine de cris. Ces paroles je les lirai à ma future fille. Y'a plein de monde dans vie qui cherche la bisbille. Y'a des two-face mais des épées dans vie qui vont t'amener à croire qu'ils sont gentils. Attention, petit gars, l'amour, je sais que ça blesse. Mais tu auras parfois des petites faiblesses. Sans la que cette famille le stresse. Je prie chaque jour pour qu'il me laisse. Qu'il se sente dans moi comme mon démon. Pis ça me fait monter en émotion. Parfois, je vois plus de lumière au bout du tunnel. Surtout quand je suis knock-out, encore sur le bord de la selle. Des expériences, tout le monde en a. Mais tombe pas trop bas, tu vas être dépendant. J'ai toujours ce mal qui vit en moi maintenant. Mais je sais que du temps, j'en ai encore. Petit gars, petite fille, laissez-vous pas faire du tort. Par tous ces gens qui veulent cacher leur mal qui servent de nous. Juste pour l'oseille, c'est eux les fous. Laissez-vous juste pas comme moi tomber dans le trou. J'essaie de décrypter ce pictogramme qui se cache au plus profond de moi, c'est le mélodrame. J'essaie pourtant de finir ce paragraphe. Venez donc que je vous signe un autographe. Je parle d'expérience puis de vécu. Tout ce mal encaissé, je l'ai vécu. Bang, bang, bang, encore une fois j'ai des blessures éternelles. Faudrait peut-être que je sois moins irréel. Je crois des affaires qui sont même pas vraies. Je me ronge la fille pour faire face à mes problèmes, oh oui. Yeah. Pas sur Magic, c'est tabagique. La drogue, j'apprends mon cerveau bug. Dépendant, affectif, oh Chris. Parce qu'il faudrait peut-être que je pisse. J'ai mal au foie, encore une fois. J'ai mal à life, encore une fois. Je le dis à mes futurs enfants. Faites attention, mec, vous soyez grand, yeah. Je viens de me claquer une panique, je suis fini. J'ai calé toute la soirée, ouais, juste pour essayer d'oublier tous les problèmes qui viennent en tête. J'ai là, donc je suis bête. J'aimerais oublier le passé, mais c'est pas facile de le tasser. J'aimerais revenir en arrière pour commencer tout, c'est l'enfer. Mais j'suis pas capable m'en passer. La drogue, l'alcool vient tout à moi. J'essaie de tourner la page à toutes ces frustrations. M'excuse si je rage, je sais que j'agis en contre. Ou cette rage intérieure, je l'ai depuis longtemps. Ou si ce sang me fend le cœur, je sais quoi faire maintenant. Laissez place au grand rêve, j'aimerais pourtant que je crève. Juste faire face au passé, ça fait tourner la tête, t'sais. Vous connaissez pas encore, j'suis qu'une personne rare qui a des sentiments. J'haïs ce sentiment. Si ma peine pas la tienne, j'veux partir, laisse-moi free. J'veux quitter cette vie, m'en bâtir une vie qui va m'éteindre une envie. Puis parfois même je crie, j'arrête pas de ruminer. Pourquoi le ciel tombe sur moi, j'suis l'esclave de ma vie. Fini de me sauver, oui, j'suis tanné de ruminer. Les problèmes là-dedans c'est moi, en train de perdre toutes mes proches. Là-dedans j'file tout croche, mais pas capable de dormir. J'suis en train de me détruire, je me fais une carapace. Je ne fais que me fondre dans la masse. Les gens ne peuvent pas comprendre que j'suis en train de mourir ensemble. Yeah. Mais je feel bad, feel so sad. Fuck my life, je peux rien savoir des wives. Faudrait que je m'aime comme je suis. Pas assez de bruit, il faut que je crie. T'as levé ma peine, t'as qu'à fait, c'est moi qui est ma propre reine. J'ai pas fini de ruminer. Yeah. J'ai pas fini de ruminer. Yeah. Mais la tension augmente, je pense que la fatigue est grande. J'ai pas fini de ruminer. Yeah. 2-3 bières de plus, juste pour casser ce virus. J'ai pas façon de décrire, je suis en train de m'auto-détruire. T'as quand même j'allais vers l'affaire, habite sur ton dépensaire. J'ai pas fini de ruminer. Yeah. J'ai pas fini de ruminer. Non. J'ai pas fini de ruminer. Yeah. Yeah. J'ai pas fini de ruminer. Angry Sam. Yeah. J'ai pas fini de ruminer. Ruminer. J'ai pas fini de ruminer. Yeah. J'ai pas fini de ruminer. J'ai pas fini de ruminer.